Chapitre 46e, le pied piqué. Paul Abroquet répondit : Rien n'est encore perdu, madame. Nous avons du temps devant nous. Il convient de ne pas trop brusquer les événements pour ne pas tout compromettre. En somme, il se peut que le maître veuille lui-même essayer de prendre des documents chez le colonel. Il ne trouvera que des documents semblables à ceux que vous lui avez fournis. Peut-être y trouvera-t-il la preuve de votre bonne foi et s'en tiendra-t-il là. Espérons-le. Dans le cas contraire, comme il ne pourra pénétrer facilement ou tout de suite chez le colonel, nous avons tout loisir de vous mettre en sûreté. En tout cas, un refuge vous est préparé. Vous allez dès demain. Mes hommes viendront vous chercher. Vous allez vous rendre chez moi, en secret, chez vous. Non à l'appartement que j'occupe à Paris, mais dans la villa de ma femme. De Miss Ida Hayden ? Oui. Lors de notre première entrevue ici, après la scène terrible où vous avez si bravement refusé de vous soumettre à la volonté du maître, vous avez évoqué le nom de Miss Hayden. J'ai parlé de vous à ma femme. Cette bonté, ce grand cœur dont vous m'honoriez, c'est elle qui en est titulaire, c'est elle qui dirige ma pensée. C'est à elle que tous ceux qui me remercient d'être bons pour eux doivent adresser leur reconnaissance. Moi, je ne suis qu'un bras de justicier. Elle, Miss Hayden, elle, c'est l'ange de miséricorde. Mon cœur bat comme son cœur, mais quand mon devoir arme mon bras, son âme vient m'effleurer et me dire « pitié ». Maintenant, dans les yeux gris et froids de Paul Abroquet, ses yeux perçants et implacables, une flamme brillait de douceur, de tendresse. Vraiment, il semblait qu'entre ces deux êtres, ce policier, cette femme à genoux, passait, visible pour eux, l'image rayonnante de l'ange de miséricorde et le souffle sacré de l'âme de pitié. « Miss Hayden, reprit Paul Abroquet, veut bien se charger de vous. Elle vous recueillera dans sa ville, vous gardera, et vous attendrez là, bien en sûreté, que le moment vienne où le maître ne pourra plus rien contre vous. Mais lui, demanda Madame Garitsa, lui, le colonel, je lui dirai ce qui sera nécessaire pour le rassurer. Donc, pour aujourd'hui, ne changez rien à votre genre de vie, ne laissons rien soupçonner. Demain, vous disparaîtrez tout à coup. Personne ne pourra vous retrouver, vous serez sauvé, vous échapperez au maître. » Depuis qu'il parlait de Miss Hayden, Paul Abroquet avait, malgré lui, arrêté sa main qui touchait aux notes du piano qu'il était censé accorder. Dans cette scène d'émotion, il se fit un silence. Et ce silence fut tout à coup interrompu par un cri de douleur venant de la porte de la chambre à coucher. « Ah ! Fit vivement Paul Abroquet, quelqu'un venait écouter à la porte. Il a eu le pied piqué. » Comme Madame Garitsa voulait aller voir, Paul Abroquet la retint. « Ne bougez pas. Vous vous blesseriez aussi. Laissez d'abord l'indiscret s'éloigner. Je vous ferai ensuite le passage libre. » Mais il ajouta. « Veuillez sur le clavier plaquer quelques accords. Vous jouerez comme si vous teniez à essayer le piano que je viens d'arranger. » Madame Garitsa se mit à jouer. Pendant ce temps, Paul Abroquet remonta. Il alla jusqu'à la porte et à son tour fit ce que certainement l'indiscret avait voulu faire. Il regarda par le trou de la serrure. Il écouta. « C'est bien cela, » dit-il. « C'est la bonne qui est venue écouter. Voir, espionner. » Madame Garitsa se mit à trembler. « Mais alors, si elle a entendu, si elle a connaissance de mes projets, impossible. Elle n'a pas pu nous entendre. D'ailleurs, c'est quand elle approchait seulement de la porte qu'elle a été prise par le pied. Elle n'a rien pu entendre. Rassurez-vous. » Alors, doucement, il entr'ouvrit la porte de la chambre à coucher. Il promena sur le tapis un aimant assez puissant qu'il prit dans sa trousse d'accordeur et enleva toutes les pointes d'acier, tous les chevaux de frise, débarrassa la voie pour permettre à Madame Garitsa de sortir du salon. Il opéra de même pour le corridor et fit tapinette. Puis il se disposa à se retirer. « Vous pourrez, dit-il à la jeune femme, aller trouver votre bonne, mais ayez soin de ne pas lui laisser voir que vous savez qu'elle est blessée. Si elle vous parle de cette piqûre, mettez-la sur le compte d'une aiguille quelconque. Si elle vous montre le clou, accusez les tapissiers qui ont posé votre tapis. Jouez l'ignorance et préparez-vous à l'événement de demain qui doit surprendre tout le monde. » Puis, Paul Abroquet ayant laissé dans cette maison attristée un peu d'espoir, une assurance de repos, une certitude d'appui, de soutien et une promesse de pardon, d'oubli, de tendresse, se retira, son rôle d'accordeur étant fini. Madame Garitsa joua encore quelque temps du piano, comme le lui avait recommandé Paul Abroquet, puis elle se rendit à la cuisine, comme elle avait accoutumé quand sa bonne rentrait du marché. Elle trouva la bonne un pied déchaussé qui tempêtait et se pensait. « Qu'est-ce que vous avez ?» lui demanda Madame Garitsa. « Il n'y a qu'à moi qui ça arrive. Pendant que vous étiez avec l'accordeur de piano, j'allais vous dire que je rentrais du marché quand je me suis planté une aiguille dans le pied. Une aiguille dans le pied? Oh, pauvre fille, vous souffrez, faites-moi voir ça. » Et Madame Garitza eut la bonté de penser de soigner la blessure. Au demeurant, cette fille pouvait être sincère, faire uniquement son service de domestique, sans avoir la moindre accointance avec le maître. Cependant, elle ne montra pas à Madame Garitza le corps du délit, l'aiguille qui l'avait blessée. Elle se contenta de laisser voir la piqûre, d'ailleurs assez forte, beaucoup plus large en vérité que celle qu'aurait produite une simple aiguille. Elle continua toutefois son service, prépara le déjeuner de madame, fit la vaisselle. Mais dans l'après-midi, elle assura que sa piqûre la faisait grandement souffrir, malgré le pansement qui y avait été appliqué. Elle demanda à sa maîtresse l'autorisation d'aller chez le pharmacien du quartier demander quelque chose pour calmer la douleur. Madame Garitza ne pouvait le lui défendre. Au contraire, elle l'engagea même à montrer sa blessure, à se faire bien soigner. La bonne sortit donc. Elle alla consciencieusement chez le pharmacien qui lui prépara une petite bouteille. Puis, au lieu de rentrer à la maison, la bonne se dirigea vers un marchand de tabac liquoriste qui faisait le coin de la rue. Elle demanda une boîte d'allumettes pour sa cuisine, un timbre-poste, et comme elle sortait du bureau de tabac, elle rencontra, comme par hasard, un valet de chambre du voisinage qu'elle connaissait. Ils entamèrent la conversation. Le valet de chambre, galant, offrit à la bonne un petit verre de quelque chose, et la bonne, bien élevée, dut accepter. Dans un coin du liquoriste, ils s'assirent tous deux à une table, ils bavardèrent de choses et d'autres. Quand ils furent certains de n'être pas entendus, la bonne dit rapidement au valet de chambre: il est venu chez madame ce matin un accordeur de piano. Or, le piano avait déjà été accordé il n'y a pas très longtemps. Puis cet accordeur accordait d'une singulière façon. Il tapait au hasard et parfois trop longtemps sur la même touche. Je commence à connaître le bruit que font les accordeurs. Alors j'ai voulu aller voir ce qui se passait au salon, où madame se trouvait avec l'accordeur. Et comme j'approchais de la porte, je me suis planté une pointe dans le pied. Ça m'a fait tellement mal que j'ai dû m'en aller, regagner la cuisine pour me soigner. « Madame Garitza sait que vous êtes blessée. Parbleu, elle m'a même soigné et m'a envoyé maintenant chez le pharmacien chercher un pansement. » Le valet de chambre demanda: « Avec quoi vous êtes-vous blessé? Une aiguille? Non, une sorte de clou à pointe d'acier. Vous l'avez? Le voilà. Je l'ai gardé pour vous le montrer, parce qu'on ne trouve pas des clous comme ça dans les appartements, parce que ce ne sont pas des clous habituels de tapissier. » Le valet de chambre regardait la pointe. « En effet, c'est non un clou, mais un petit appareil de protection. » À mon avis, c'est le singulier accordeur de piano qui l'a placé derrière la porte pour se garantir, quand il était au salon avec madame, m'empêcher d'écouter. Cela ne fait aucun doute. Le valet de chambre prit la pointe, la serra précieusement dans son portefeuille, remercia la bonne de sa diligence, de son courage à supporter la douleur, et lui ayant souhaité prompte guérison, il prit congé. La bonne rentra, avec son timbre, sa boîte d'allumettes et son flacon de pansement, à la maison. Le valet de chambre alla s'enfermer dans la cabine du téléphone et eut un entretien assez bref. Peu après, il sautait dans un taxi-auto et se faisait conduire dans un bar de l'avenue de la Grande Armée où, dans une petite salle, au fond, deux hommes en tenue de chauffeur d'automobile ne tardaient pas à venir le rejoindre. L'un d'eux portait une forte moustache brune et, dans la pénombre projetée par la visière, on voyait ses yeux ardents lancer des lueurs vertes. C'était Zigomar. Rapidement, le valet de chambre fit au maître le récit des événements qui s'étaient passés chez Madame Garitza. « Oui, » dit alors Zigomar, « depuis longtemps je me doutais de la trahison de Madame Garitza. Je croyais tenir mieux que cela à cette femme, mais j'aurais dû me douter que depuis l'affaire de Toulon, après laquelle, malgré sa culpabilité apparente, on ne l'a pas arrêtée, que Paulin Broquet l'avait dans la main. Elle jouait double jeu, ou plutôt elle ne faisait que celui de Paulin Broquet. « Depuis longtemps, en effet, je ne puis rien obtenir d'elle. Et maintenant, elle vient de nous faire perdre du temps avec les documents du colonel qui ne valent rien. » Un éclair brilla dans ses yeux de fauve. « Il faut donc qu'elle se sache en toute sécurité pour oser me braver ainsi, car elle n'ignore pas qu'un terrible châtiment lui est réservé. Tant pis pour elle. Dès maintenant, Madame Garitza peut se considérer comme condamnée à mort. »